des préceptes du respect. Oui, nous nous sommes égarés de toute humanité. Oh, de toute humanité. Hey, de toute humanité. L'amour nous délivre.